savez ça qui passe. Passe-nous pas coup avant. Puis pas les bons moins. Ah, si on dit au problème est vers moi. Yo, Zami. Voyez-moi nous connaître, nous dépit, on paquette tout l'un de nous. Fais souhait en nous ensemble, nous ni temps délirer ensemble. Fait-il, ouais, nous grandir ici, ou voyez-moi parti. Ou vin joindre moi, mais en virée avant au pays. Là nous revoyons, nous t'es content, parler des on et pas quittant. Nous tous les deux constatent des responsabilités qui vin joindre nous. Si c'est si balcon, ou puis parler de la vie. Douvant, anti bouteille, vin blanc, ou douvant, on bon veggie. Si mon nom est, si mon nom qu'a joué. Nous qu'a gardé, you, wow. Yes, c'était nous. Demain, c'est que you. Nous pas ni même sans là, mais nous lever même gens là. Nous pas, je divise, et d'où vos problèmes, nous t'es qu'à choisir même quand là. Mais depuis des trois si, mais nous pas qu'à checker les week-ends. La cabine, ouais, ou qu'à tailler, con, si t'es ni un problème. Ou toujours si messagerie, là qu'arrivé, joint vous au busy, ni un bitin qui pas calé. On nous pas, les amis. On pas, ça, mais ça qui passe. Passe-nous pas coup avant. Il pas les bons moyens. Ah, si on dit un problème est vers moi. On passe avec ça qui passe. Sans raison nous changer. Il pas les bons moyens. Pas les unis, un problème est vers moi. Autant qu'on dit, qu'autant qu'on fait. Ouais, nous qu'on s'asme, qu'a fait mon mal en cœur. Peut-être ni incompréhension, laissez-moi mettre limite si question. Ni en l'esprit, oh, peut-être que des gens ni manipulation. Certains n'ont pas aimé les démons, qu'a entendu bien. En pas qu'à croire que c'est ça, vous et moi j'avive, puisque ça nous grandit en même quand il a nous. Dès qu'a fait mal, pas l'on peut là. Ou check, check. Nous pas même maman, nous pas même papa, mais. Yeah. Veillez yon si l'autre qu'on fouet. En bitin qui t'es vital, j'en la y pas nécessaire. Non, en pas qu'à quoi aux amis. En pas qu'à vrai, ça qui t'es qui rentre pour coller. Où ça fout on a yé en forme, y'a fâché des armes, y'a clashé plein type à bol caché. Capine pour en tâcher, en bitin qui sacré. Ça y'a qu'à crier l'amitié. Où qu'à compter, bon moi, alors en nous cisé, en nous parler. On passe avec ça qui passe. Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Conelambi, premier dimanche de chaque mois consacré aux musiques jodi, musique actuelle de la Guadeloupe, de la Martinique. On a démarré en douceur avec un extrait de l'album Sunny Day, l'artiste Williams Café, rappeur chanteur de Guadeloupe. Le titre c'était Palais Bonmoins. Allez checker cet album Sunny Day qui vient tout juste de sortir. Et on va encore naviguer, changer de style, toujours en Guadeloupe. On va écouter en inédit de l'artiste Kérosène le titre Père Fouettard. A fos an tjen be la ou man mwen logon ke mwen mol. Papa ka santi vivan le boutei la mon pa. Jem fwe pou moun souri a kaz sa pa pli mal. An male an mwen ve paton pale de l'amou. Pasan pa konet le Père Noël. An konet ki le Père Fouettard. A kaz sa pa chentan je teme. An tan kouta ou tou le soin. Konet tout formule tout teorem. L'école an pa chen ni reta. Pasan kaz sa mwen ni trop problem. A ka reve nou nou vo depa. Pasan pa konet le Père Noël. An konet ki le Père Fouettard. A kaz sa pa chentan je teme. An tan kouta ou tou le soin. Konet tout formule tout teorem. L'école an pa chen ni reta. Pasan kaz sa mwen ni trop problem. Problème, ka rêve d'un nouveau départ. Non, on peut pas sourire qu'on saute. Les soirs tout casse là, ka fait des ordres. Les matins pas ni lettres ni biscottes. Tous les midis, ka réviser moins ni bonnes notes. Non, on peut pas répondre question à saute. Mais pas gagner un coup parce qu'on l'a mis comme bloc. Envoyé alcool, fait papa, vino l'oc. Les lucides, absent pas sous casse la choc dès les départs. On doit faire une fausse note. Mais pas connaître si le pas chien connaître la mode. Tout sans apprendre, c'est esquiver calotte. Là, ou maman, ma tête là, ka résonné qu'on bloc. Non, on peut pas parler de love, de l'amour. On peut pas plaire des rivières, chaler de l'homme. Tout sans ni des envies parler autre rien qu'à m'en démoins sympathique et mi-mort parce pas connaître le Père Noël. La connaître qui le Père Fouettard. Y'a qu'à sa pachette, je t'aime. Attendre tout ta ou tous les soirs. Connaître toute formule, tout théorème. L'école en pas j'ai ni retard. Pas sa casa m'en ni trop problème. M'a qu'à rêver d'un nouveau départ. Y'a pas connaître le Père Noël. La connaître qui le Père Fouettard. Pas sa casa pachette, je t'aime. Attendre tout ta ou tous les soirs. Connaître toute formule, tout théorème. L'école en pas j'ai ni retard. Pas sa casa m'en ni trop problème. M'a qu'à rêver d'un nouveau départ. Ça trop l'jean. J'en ai vu Pérez à 13 ans. A pas foutu ni rêve à 13 ans. Connaître cuite, manger, plier linge à 13 ans. Faire commission, occuper des enfants. À 13 ans, ça drôle. J'en ai vu Pérez à 13 ans. Papa t'es vêtouillé, maman. J'ai raffaillé en semaine à présent. Passe pour goma et malheureuse. La pâte ni la chance à drôle. J'en ai vu Pélède. Pour me que j'appelle ni à mettre. En cas d'un zot, parler des problèmes. Qu'un peu que j'ai ni. Parce qu'il y a trop faible, ça drôle. J'en ai vu Pérez. Pour me que j'appelle ni à mettre. Mais en par contre, t'as pas qu'à plein. Moins disons qu'un qu'on fout. En cas de Pérez. Et on va connaître le Père Noël. La connaître qui le Père Fouettard. Y'a qu'à sa pachette, je t'aime. Mais attendre tout ta ou tous les soins. Connaître toute formule, tout théorème. L'école en pas j'ai ni retard. Pas sa casa moins ni trop problème. M'a qu'à rêver d'un nouveau départ. A pas connaître le Père Noël. La connaître qui le Père Fouettard. Y'a qu'à sa pachette, je t'aime. Mais attendre tout ta ou tous les soins. Connaître toute formule, tout théorème. L'école en pas j'ai ni retard. L'album École Créole d'Éric Pédurant, le single Elle Donne, et allez voir sur YouTube. Le clip vient tout juste de sortir. On va enchaîner avec une nouveauté, l'album d'Anthony Drew, le titre Guadacaplere. On vous en reparlera. On a déjà passé plusieurs extraits tout au long de l'année sur Conlambi. Maintenant, Guadacaplere. Te fè ou an nou pa konserne, an nou pale pa ou al ki ka krevezi. Oh yes, an nou semble, violence pa mode, ti ni maman ka plere. An la ri la brakaj e vol ka mene. J'assemble, sans pour quoi d'appeler un levé. Sans pour une fière de montrer tout le monde qui j'en la nous l'éveiller. Sans pour bal arrêter vêté. Tant pour soin et qu'au moins on joue vine arrêter couler. Cause Guadacaplere. Faut nous faire mon pour ça cesser. Et caplere. Caplere night and day. Guadacaplere. Faut nous faire mon pour ça cesser. Et caplere. Caplere night and day, day, day. Je les jure ni pour fier, où j'en vois misère. Pas de ces bons cimetières, si les gens voient, on sait pour aller en cimetière. Mais pas de sang la pointe, sans penser, sans tête ça. Je les jure, tant pour tout le monde, savent, j'en ai marre. Guadacaplere. Faut nous faire mon épouse à cesser. Et caplere. Caplere night and day. Guadacaplere. Faut nous faire mon épouse à cesser. Et caplere. Caplere night and day. Ensemble, ensemble, nous toujours vini plus fort. Ensemble, ensemble, nous toujours tomber d'accord. Pas besoin de dire, j'en nous montre ça qu'a fait terroir. Non, pas vini, dis-moi que c'est faute à les autres. Oh, nous, l'été, pour faire violence, là, ça se tomber. Oh, nous, lever. Guadacaplere. Faut nous faire mon épouse ça cesser. Et caplere. Caplere night and day, Guadacaplere. Faut nous faire mon épouse à cesser. Caplere. Caplere night and day. On nous cisait, how the fair world nous pas concerné. On ne parlait pas world qui ca crevezi. Guadacaplere, Anthony Drew, on va enchaîner, on va changer de style, on va accélérer le tempo avec deux combinaisons, Guadeloupe Martinique. On démarre tout de suite avec Mali et Ridla sur l'album de Mali, Chimin Chien, et on enchaîne avec Samix et Taiji en mode dancehall. C'est la ville, c'est la campagne où j'ai connaître les paris de rhum. Nous qu'a pété champagne. Ni en côté cool, en côté sale, en côté clean. Les femmes la trottent, c'est guibou, c'est giré, y'a toute la capre en protéines. Ni des gros lotos, des gros motos, des gros berlines où j'ai connaître. Ni sac à bord des love et ni des gros vermines. 9-7 en côté route, sans côté bling bling. Les jaloux qu'a connu pendant nous qu'a fait ching ching. 9-7, gêné au type, moins l'oreille chez l'habitant. Ouvrez des good vibes, c'est des trafiquants. Ça va y amusement, indépendantiste à mi-temps. Les mêmes chiens méchants, l'eau qui panique dans. Nous t'es fait faire en seule grand familia. En nous mettre l'amour et respect pour pilier. Mauvais quoi, nous guérons une bonne équipe. 9-7, Sarabay, mobile de le bête et chouette. Nous j'acconnais, nous qualifiés qu'on commette. En Turin, nous qu'acconnette pour ceux qui partent connaître. Où j'acconnette, où j'acconnette. Avant parole, on est l'envoi qu'elle nous va promettre. Représente depuis les collègues. On bombe dans j'ai reste les bacs à babiller. Independent girl, head in the air. Nous ka parler toute langue, nous ka jirer. Sans presse, sans film, même à l'irrit la ka chirer. Amateur de gros son, pas de tectonique. Yo ka mette ou à la fête, si on y a de cette comique. On l'en parle, nous ka faisait plus que million. Éliminé par acide, toujours ni yon. On l'a mis un qui soldat. Et puis petit encore. Où j'accordais, où j'accordais, où j'accordais, où j'accordais, où j'accordais. Hey yo, what's up? Original man, Lessa. Danger time. What a mada. Yeah. Yo, yo, yo. A chain it, a chain it. I take a ay, ay, ay. Hey, listen. West Indies, we are the best. Game on if it is. You paper test, want you paper test. West Indies, we are the best. Game on if it is. You paper test, want you paper test. You paper test, want you paper test. You paper test, want you paper test. West Indies, we are the best. West Indies, we are the best. You paper test, want you paper test. Mat neck de stick, autopsy ballistic. Broke I know physique, the fear of your linguistic. Of Greek as paper, bad game, je t'explique. Chez moi, c'est mystique. Quelque soit l'histoire, man, ça se règle dans la skit. Le programme nous attend, on est connu pour nos affaires singulières dans les dômes. Jeune fraîche par le bon, chez moi y'a de belles women. C'est flex non, roulant en bord de caléon. Oh oui, j'ai mis ce qu'on cabaye le dé. On fier et n'est si mis ça nous cabouer. Nous aimons mes propres dealers, mais mon bas coup de coude. Moi d'affaire, nous trop bonne tonne. Nous aimons mes petits boulis, ton bâtiment est stone. Nous c'est bon gaffin, baby welcome. En fait t'as de les dômes, 9-7 youn. Là tout le monde a caoulé, y'a si t'es goyen. We are the best, game on if it is. You paper test, want you paper test. West Indies, we are the best, game on if it is. You paper test, want you paper test. You paper test, want you paper test. You paper test, want you paper test. West Indies, we are the best, West Indies, we are the best. You paper test, want you paper test. Nous l'expansif comme ça, oh, Mano Valentino. Nous sentis mouna esclave, nous qu'en flexio. On l'a fait plus de fila, yo, boutique guide, yo. Yo, dérangéré, mais foutre un million. West Indies, we are the best, yo, que c'est pas pipo. Territoire, nous jouons les formes, nous remplis des libidos. Viens nous botter les jambes, nous prenons un rouge à figo. Évitez, essayez, mener un tir en bateau. Nous ni intellectuels, qu'on aime ces airs. Nous ni élite, au modèle, pour l'idée. Nous c'est peuple qui j'a souffert, qui j'a frémisé. En fier d'être afro, un tillet. Pas oublié, en tant que tillet, pas j'ai fait de glacine. Tu fais y'a d'un gazine, ou mis ça là d'un magazine. Nous ça cachine, yo, carotte, double disque de platine. Imagine, attends tout traité, bon, vie, nous qu'a fait qu'une fois à la ligne. West Indies, we are the best. Samix Taiji sur la mixtape en téléchargement libre de Samix Aituri We Are The Best. On va enchaîner avec le premier extrait du EP de notre invité qui est là avec nous dans les studios. Il s'appelle Nerka. On va écouter tout de suite la combinaison de Nerka avec Mano Dishango aka Tisme, le titre Vrai. Check, check, check, check. Mais c'est quand rien qui nourrit si pour l'esprit. Pour l'esprit. Encore moins, il y a un carré qui est vrai. Vrai, vrai, vrai. Et vous dites nous là, 2014, garçon. Où ça peut pour apprendre en pause, garçon. Depuis la nuit des temps, les risques à bailler la voix sinistre. Tout ça qu'a choqué micro là, pas à la mode, y'a qu'on intruit. Passe parole pour faire mon réfléchir, qu'on stream, on savent ça. Mon Isa qui brise musique, qu'on malade, besoin médicament. Qu'à moi, peut faire pour public la comprendre. Au l'an vévine, pour qu'il bite rien qu'à faire musique, qui j'en veux vivre. Qui j'en pour me faire plus ample, les mounes, goûter ça y'en casting. Parce que dis-moi, y'a pas qu'à bon rêve, va pour moi inaccessible. Et pourtant, en vrai, y'a dans ça, mon frère, en cas promettre. Pour Freddy et Jason, en bise fait chier, mais pour promettre. Nourriti pour l'esprit, n'y le monde qui peut coco. N'est un peu pas prétendre être ça que moi paillé. En toujours honnête et c'est ça qu'a poussé moi. Y'a fait toujours plus, on vous plisse. Même si au fond, ça pas qu'à rapporter moi plus sous les. plus souvent. En plus, moi fais 10 pour vendre discrètement. En cas de travail, pour aller pour 6 points, plus discernement. Puis dans la cavance, et puis en plus, un pot trouvé. En cas qui tivait à rien moins, continuer pour aller au carousé. En tant que l'audace qu'à payer. Donc, en essayer aussi être créatif, pas faire comme moun, mais moun besoin, faire qu'on reste moun, y'a besoin mettre vous à dans moule. Vous sauf faire sur jusqu'à temps, pas ça fera au café. Quand plonger dans la farine, ni ça qui qu'à faire vous, qu'on bête sa toile. Ça pas qu'à fondre, alors si au cul y'a hip hop là, en pas l'étant fait safari, enseignant lion. En Tichini, y'a l'air en papillon, en Tinillon. Des trois, quatre astuces filon pour vinant. Mettez mon yon, qu'on propose au mi-temps ou suivant. En café musique, à vrai militant. Vous pouvez jouer ça si iPhone ou iPod. A rien pas changé, c'est hip hop, toujours les mêmes cordes. J'ai passé comme un an, comme c'est que époque, nous étions solides, et visible a pas changé, c'est Paul. Dio, ça IB, the MC called Manu de Shango. Yeah. Bringing African jazz like Manu de Bongo. Cabinet fait autorité, qu'on pas pas carotte, je suis high. Quand j'ai die, carotte la yaye, à d'un esprit high, qu'on prenait la grave. Là où qu'on coulait à sa. Nous règle ça gentiment ou j'assave, yeah. Nous n'y les techniques qui complètent, concrètes, recettes, complexes, pour faire wak M si tombe vep. On y force, fait voir résistance, les zep. Web, les pep, ouais, on toujours là, que j'en y dep. Sorti caraïbe, mais on va fucking pirate. Le gars, si c'est pas ta crie, mon mot, smilade. On m'a comme un moi, toujours correct, mouk. Ou pégé qui est vrai, moi, discothèque. Réputation honnête, net, tu peux demander les collègues, nec. Si vous pas te connaître, check, yo, qui dit où aller ou connaître, nec. Wak M si a chichon, travail, pour faire. Chaque adieu pas d'avenir, un travail shooté. Ou fait bon chercher l'aise, je dis geeks qu'on parle pas ou t'es. Nous caille vite qu'on dit vix, qu'a dit ou bye bye, Blu-ray. Nous t'es dit à la bague, qu'a fait oui. Pas vrai personnel, en consonne voyelle, cool qu'on aille oui. IB, the MC called Bano de Shango. Bringing African jazz like Manu Dibango. On espèce qu'a faux, c'est qu'a maqué des geeks à minuitis. Tout s'est lancé en milice, ni plus vis qui brise Willis. Une philosophie qu'on niche, discipline qu'on Vladimir Illich. Prie à deux en piège, en freestyle, carrière en finish. T'aimes si ou qu'a parlé des bitches, pas qu'a parlé des syphilis. Tu dois être clan, déco, déco, ribiche, texte, on va livrer la concilice. Tu bites en ce mimique, ouvre hip hop, vous mythique. Néo gâtis, qu'a pas en musique, contre conscience physique. Ou qu'a parlé des styles, mais qui style, mi style. Nous qu'a dit style, plus qui dit, puis ça se dit style. Tellement style, nous qu'a shit style, freestyle, style. Nous pas qu'a passer en radio, pas qu'a passer en télé. Les en compte et tout ça n'en est. A pas aller en qui rampe, a pas aller en qui change. Mais nous saluer, qu'a nous saluer. Des poux, yo, qu'est-ce que tu bout, qu'on est tambouillé. Même si yo vle pas écouter son là, a carré de frais. Même si yo bise un fer moins couba, a carré de frais. En j'en savent la vie, c'est un combat, a carré de frais. Qui toujours real, my nigga, a carré de frais. Même si yo vle pas écouter son là, a carré de frais. Même si yo bise un fer moins couba, a carré de frais. En j'en savent la vie, c'est un combat, a carré de frais. Qui toujours real, my nigga, a carré de frais. Vous êtes toujours avec EDS dans l'émission Conlambi, musique jeudi. Tout de suite, vous avez entendu Nerka avec Manu Dishango, extrait du EP Cinco Piezas de Nerka. Nerka, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs et bonjour Ed. Donc, Nerka, a.k.a. Missier Hip Hop, a.k.a. Missier Carter. Donc, Carter dans le hip hop, ça réfère directement à deux MC, Jay-Z et Lil Wayne. Je voulais savoir s'il y avait un rapport avec le choix de ton nom. La première fois, enfin, quand j'ai choisi le blaze en lui-même, c'était par rapport à Hurricane Carter. Surtout. Okay. Et après, c'est vrai que par rapport à Lil Wayne et Jay-Z, c'est deux grandes figures du rap US, quoi. Alors j'ai pris Carter, quoi. Et puis j'ai mis le cas pour faire un peu plus local. Est-ce que tu peux nous parler, pour commencer d'emblée, de la couleur musicale de ton EP Cinco Piezas depuis Good Life, donc premier extrait en tout cas sur lequel moi j'ai pu t'entendre. Tu proposes un rap très fluide et une ambiance musicale qui va avec, à la fois très loin de ce que proposent les MC de ta génération aux Antilles et très proche de toute une nouvelle scène new-yorkaise, un peu entre modernité et revival années 90. Est-ce que tu me parles un peu de cette production? Alors en ce qui concerne le EP, les productions sont toutes de Freddy Joachim, un beatmaker US, et la couleur, j'ai voulu le donner, c'était un peu entre le rap old school, on va dire, mais en même temps un peu teinté de soul et de hip hop soul, en fait c'est un peu l'influence, en fait, et je voulais que toutes les prods aient une seule couleur et qu'elles soient, pas qu'elles se ressemblent forcément, mais qu'elles aient une cohérence ensemble, en fait. Et ouais. Et d'où vient donc cette, tu me dis que donc Freddy Joachim, justement, on se demandait, mais qui est-il, d'où vient-il? Donc en fait, il est américain. C'est voilà, c'est je crois qu'il est new-yorkais, je suis plus très sûr, mais c'est quelqu'un qui fait des instrus depuis un très grand moment. J'ai utilisé peut-être une de ses prods sur Hip Hop for Life, ça remonte à 2012. Et c'est quelqu'un dont j'aime bien les productions, c'est moderne, dans la production, mais en même temps, ça reste, il y a un petit côté old school quand même qui ressort, que j'aime beaucoup. Il y a quelques phrases ou gimmicks qui reviennent souvent dans tes textes, donc tu vas nous en commenter quelques-unes. Okay. Je vais commencer avec « Rien qui nourrit t'y pour l'esprit, en carré t'es vrai ». Traduction, si tu peux expliquer, traduire en même temps pour les non-créolophones. Voilà, alors ben, y a qui nourrit ici pour l'esprit, bon, littéralement, de la nourriture pour l'esprit. En fait, quand je dis ça, c'est. J'essaie un peu de me démarquer de ce que d'autres peuvent faire. Y a qui nourrit ici pour l'esprit, pour moi, c'est. Akabar en bitin pour. Comment je peux expliquer ça? Pour faire l'esprit au travail, en fait. C'est de la matière à réflexion. C'est que ça peut passer par les métaphores, par les punchlines, ça peut passer par les figures de style que j'emploie. Voilà, c'est de la matière à réfléchir en fait. Il y a Kino ici pour l'esprit. Une autre qui revient un peu en leitmotiv, notamment dans le titre MVP, Fuck Easy Punchline. Et donc, je voulais qu'on parle un peu de ça, parce que ça semble s'adresser directement à toute la vague actuelle de punchline très prisée dans le rap médiatisé, que ce soit américain, antillais ou français, avec à mon sens beaucoup d'analogies, de jeux de mots souvent gratuits qui ne recherchent que l'image choc. Je voulais savoir de quoi à quoi tu fais référence dans cette phrase. Bon, je m'adresse à personne en particulier, mais en même temps à tout le monde en fait. C'est le rap. Enfin, pour moi, ça a toujours été une question aussi de technique, de skills, de flow. Quand on fait un texte, il y a des rimes, mais il y a aussi la construction de la phrase, la construction de la rime, etc. Et de plus en plus. Je trouve que ça se perd en fait. Il y a moins de technique dans le rap et plus de facilité en fait. Donc, fuck easy punchline, c'est. Il faut essayer de faire. On peut faire mieux, je pense. On peut, voilà. On va écouter un autre extrait du EP pour entrer encore plus en profondeur dans ce projet. Cinco Piezas, on rappelle qu'il est en téléchargement libre. C'est ça. Donc, allez, tu me donnes le lien pour retrouver ça. C'est Kamit Sound. Alors, Kamit, K-A-M-I-T. sound.com. Voilà, on va écouter le titre, je crois, le Fonou, c'est quel, c'est le 3. C'est ouais, ils volent ils volent son. Ouais. Numéro 3. Numéro 3 tout de suite. Et on reparle tout de suite avec Nerka juste après ça. Yes. Toujours Cinco Piezas déjà disponible, allez chercher ça. Toujours ni yon qui a menti par l'autre là ou toujours ni en malentendu ou toujours ni yon qui a foutu un fucking bordel ou bien enfin bref quoi. Il faut non à qu'à songer les nous connaître nous en tes contimoun en fait en partie contimoun pas sentir vraiment contimoun pas assez maturé posé pour moi pas faire bêtiser vrai ou en face à face même ça pas mettre moi à l'aise nous changer des timo vite fait bien faire ou dit nous qu'à faire nous en tes poches mais là il y avait les potos qu'à prendre la route et nous parler téléphone ou t'es en voiture copine ou après 15 minutes qu'à tourner ou fin pas trouver chez mais ou en vrai on descend en voiture là et souffre en main coupée en belle nigre c'est veillon belle corps ou en pas t'es pépalé en toujours comprendre des dires en t'es géré ça que ça t'es fait bah lorsque y'en fait t'as pas chien penser que check foot moi y'a carité guada et vous même au Panam on t'y vacances que y'a vu nous faire c'est pour un soleil est sorti là à peine on voit qu'on soudé sorti jeté moi y'en sorti l'air j'en t'ai fait on fait des balades en limousine au pec à lèche pendant les potes cacadés qui font manque à check nous qu'à éloigner nous qu'à épaille les plis bas pas y'a rien qui quitte dérangé nous mais comme on pressait et fort ou bouger en calé sur mouvement mais y'en prend tant quand même que des bras ah ouais la gueule on t'y beau en j'en ai dit mais oh on dit tout ça qu'il faut les youvelés nous qu'y aille pas y'en défait petit New York on shot on fait Jordan from là ça carbo mais il faut nous il faut nous faisons vie ensemble, il faut nous. Et si peut-être un jour nous venons découvrir, y'a sous qu'à dire que tout putain qui est parfait, de nous il faut nous. Et si peut-être ni un jour qu'on fait souffrir, y'a qu'à m'en dire pardon, oui, tant pis, s'il vous plaît. Y'a sous qu'à dire franchement, nous pouvons aimer. En fait, que j'aime bouger, nous portons main couverte. Est-ce ni un jour nous guérir? On dit les défauts, nous, on ne parle pas bon, ouais. Nous pas dit en check, on loue en vacances là. Et jusqu'à l'y en pas savent pourquoi, peut-être en trop comme ça. Peut-être en tes doigts t'éviter, bon, au premier jour là, nous t'es check. Ou bien peut-être en pâté, j'en t'es qu'à penser, qu'y en t'es gayon fait. On est grillant, tout met sa linette. Et veuillons casquette qui carapé, yon paquette. Ta parole qui, pas toujours très net. Et leur partie, nous continuer pas les voix, nous signer internet. Des jours sans mentir, au qui chante out. Yo, dis-moi, gars qui cap fait, bref. T'as la passé, et pas tes moyens fait, yon très sentiment, qu'à petit caviné. En cas fait d'autres connaissances, ça pas pour dire qu'elle nous ensemble. Alors moi même quand je prends pas l'an, temps pour même ou pas si moins. Alors ça part est vraiment important. En check on d'autres femmes, nous voyons nous et nous parler. Nous vînes tellement fous, nous pas voir les limites que nous dépasser et puis ça finit au final. En toujours tout seul, mais y'en pas du moyen. Et plusieurs mois après, c'était là même en Paris, j'ai fait mieux. En arrivé ici dans nous voyons, mais y'en qui l'a dévelé. Peut-être si on s'en rose, peut-être au fond qu'il y a trop obstiné. En pas qu'arriver, savent si on voulait moins. Sous j'ai décidé quitter moi y aller et laisser moi vivre qu'à culpabiliser. Pas sans dire moi un mieux. Mais en check d'autres femmes à côté et ça passe ou pas TP. Pas moi l'un moula qui y'en dévelé. Ou dis-moi y'en menti, pas sans dire qu'y'en pas t'es check pour moi. Mais merde, pour qu'on suive qui moune qui ka fait, j'y avec qui moune. Et ça te doit te laisser tomber depuis le départ. Et réfléchis, mais yes, au final, en pâté, y'a y'a bar. Pas des bons moi, dis-moi, car on ka reproche moi. Pourquoi nous finis pas arriver là? C'était soir où l'y avait moi. Ou j'étais moi dès le départ. Et m'y aller à prier en son et des lettres qui y'en marqué par. Au bout de fois, j'ai le pouvoir, on t'est obligé. Moi, des ou en guitare, on joue en tête des qu'est brisé. L'un moula, droit que tu es moi, il faut nous discuter pour nous payer sa vie. Et si peut-être un jour nous finis couvrir, y'a sous qu'à dire que tout bidon qui est parfait, tout nous y font nous. Nerka, il faut nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre, nous commenter comment il est arrivé, qu'est-ce que ça raconte? Bah, c'est un petit titre que j'ai écrit après une expérience assez malheureuse, enfin assez malheureuse, une expérience de vie, une expérience amoureuse. Et puis c'est de mon point de vue, c'est comment j'ai vécu la situation, comment j'ai interprété ce qui s'est passé. Et c'est pas forcément le point de vue de la personne de qui je parle dans le morceau, mais voilà, en gros c'est ça. C'était, j'avais envie de faire un morceau là-dessus. C'est une petite fenêtre ouverte sur ma vie privée, vite fait. Tu te surnommes donc Missier Hip Hop, et tout à l'heure on parlait de la du gimmick Fuck Easy Punchline. Je voulais savoir, notamment avec cette phrase, tu sembles te distinguer de beaucoup de rappeurs de ta génération qui d'ailleurs revendiquent rarement la culture hip-hop. Dans MVP, notamment, petite référence à un rappeur en carapéen qui a fait Scafone, etc. Je voulais savoir comment tu es arrivé au hip-hop, quel est ton parcours, parce qu'on n'a pas précisé, mais tu es relativement jeune. C'est ça. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors en fait, j'ai commencé pour rigoler, c'était vers 2010, j'étais en pleine période de BTS et tout, et puis avec des potes, on a voulu faire un petit groupe, on a appelé ça ADN, Artistes de Nuit. Ça a commencé là et j'écrivais juste des petits textes comme ça pour m'amuser. Et puis après, l'année d'après, j'ai voulu un peu prendre les choses plus au sérieux, et là j'ai fait ma première mixtape, c'était In Us We Trust, et c'est dessus qu'il y avait Good Life notamment. Et en fait, à partir de ce moment-là, avec le feedback qu'il y a eu par rapport à Good Life, j'ai dit bon, ben les gens apprécient, je pourrais peut-être continuer un peu, voir ce que ça donne. Et puis plus j'ai continué, plus il y a eu des retours, et j'ai dit pourquoi pas. Mais j'ai commencé relativement tard, j'avais 21 ans quand j'ai vraiment commencé à écrire, et là maintenant j'en ai 24. Donc ça travaille vite. Voilà, on essaye. Ouais. Il y a beaucoup de références à rap, je dirais fin années 90, années 2000. Si on prend un titre Chiffre, donc qui est disponible sur YouTube, c'est ça. Où tu poses sur un beat de Mos Def. C'est ça. Je crois que sur ton EP Boucan, il y avait déjà un beat de Black Star, si j'ai bien reconnu. Ouais. Et encore un lyrics dans ton EP qui dit Papa les moins de B.I.G. Shondon. Et après, moi, plutôt discret, Conkai RS-One. Ouais. Ce sont des références qui peuvent surprendre pour un MC de ta génération. Parle-nous un peu de tes influences. Alors, concernant les influences, j'ai vraiment commencé à écouter du rap et à découvrir. J'avais peut-être 18 ans parce que j'avais pas Internet avant. Au moment où j'ai eu Internet, j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à découvrir des albums comme le premier album de Mos Def, par exemple. Et j'ai été naturellement attiré par ce genre de sonorité. Et même si c'est vrai que bon, ça peut surprendre pour mon âge, c'est une question de sensibilité. En fait, je suis plus sensible à ce genre de musique qu'à quelque chose de plus récent. Bon, après, j'aime bien ce qui se fait de récent, mais j'avoue que j'ai une sensibilité particulière à ce genre de sonorité. Mes influences, à proprement parler, il y a WATMC, pour la Guadeloupe, en tout cas, niveau entier, WATMC, Star G, Exos, McFly, Endoclan, Fockley. Niveau international, Mos Def, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Erykah Badu, DJ premier niveau, sonorité instrumentale, etc. Et, en gros, c'est ça, quoi. C'est ce son-là, le son de New York. Quoi. Tu t'es justement prêté au jeu de nous ramener quelques titres qui font partie de tes influences. Voilà. On ne pourra pas tout écouter, mais histoire d'entrer un peu dans ton univers, est-ce que tu peux nous citer un titre que tu voudrais jouer tout de suite? J'ai amené un petit Mos Def et Busta Rhymes, Do It Now. Donc on va écouter ça, Do It Now, extrait de l'album Black on Both Sides de Mos Def, sorti il y a une autre, c'était une autre décennie. On écoute ça tout de suite. Goes out to all area crew. Yes, yes, yes. So my big gay crew, so my cute big crew, my ally crew, my Shaolin crew, my dirty South crew, Atlanta, North Cackalack, for my fam, all area crew. Yes, the first cut should be the deepest, to penetrate beyond the muscle walls and the reaches. First you was icing in the net with the staring at the speakers. Heard the rhyme head high with the staring at your sneakers. You shy now, got a lot of things on your mind now. You don't feel fly now, you hunting the exit sign down. Fuck what you heard, cause I snatched the grapevine down. Don't understand how I ran the line down, rewind now. We be the most magnetic, so athletic. Leave your peeps on the side so they can watch you and your mans get it. I take the arch rivalry stance up on the podium and get the flavor to niggas, but keep it low on sodium. Possession that got you wondering how we holding them. Things that'll make you rock like a piece of linoleum. Brain who ever got on, we bout to bug, son, and bounce down to Henry Hudson after my boss won. Well, alright, okay. How you feel? Feeling great. What you want? I want to do it. That what's up with you? Get on my steed. Chewing dick. Suck it loud. Black and proud. Ain't no time to hesitate. The gate. Do it now. Boss or boss? What I want? How you feel? Feeling great. What you want? I want to do it to death. What up with you? You know my steed. Chewing dick. Suck it loud. Black and proud. Ain't no time to hesitate. The gate. Now, yo, Smeal, me and Busta Rhymo make me Negro. The two hottest Negroes and those estados unidos. Hotter than Reno when discovered by Bugsy Siegel. I'm black like Don Cheeto, shouting power to the people. Reminds to be like the lifeline on the Ebo. The raw sugar cane, neutral sweet, never equal. If you in a Benzito or your mother's Buick Regal, I get up like Chino, shouting power to the people. Yo, me and the mighty moon shine like a light post. Live niggas shit be straight, fucking up the white folks. That's why they with it now, because niggas like me and you, we did it now. Saturated the game now, infatuated with the fame now. Let me explain how we doing this. At any time or any place, ready, willing, and able. Let's get the dough, secure the food on the table. Oh my God, how you feel? Feeling great. What you want? Wanna do it? Yeah, for something you. You know my steed. Show and dig. Say it loud. Black and proud. Ain't no time to hesitate. The game. Do it now. Bust a pop. Rhymes galore. What's the deal? Feeling great. What you want? Wanna do it to death? What up with you? You know my steed. Show and dig. Say it loud. Black and proud. Ain't no time to hesitate. The game. Do it now. Mos Def en featuring avec Busta Rhymes sur son album font partie, ça fait partie des influences donc de notre invité Nerka qui sort son EP Cinco Piezas. Tu viens également de sortir un featuring sur un titre de Star G à l'envers. Sur ton album, on voit qu'il y a deux MC invités, La Gâchette et Tismé, donc Mano Dichango. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport au reste du hip-hop créole dont tu fais partie, et d'ailleurs nous parler un peu de ce titre vrai qu'on a entendu en tout début d'interview, où tu laisses un bel espace à Mano Dichango, un couplet de très haut niveau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors en fait, concernant Tismé, concernant La Gâchette, c'est des gens que j'ai, c'est des MC que j'ai connus vraiment à l'époque Good Life. Quand c'est sorti, j'ai eu un feedback de beaucoup de grands frères du hip-hop créole. Et ça fait vraiment plaisir. Concernant La Gâchette, c'est, on a fait pour la collaboration en fait, il habite dans la même rue en fait où j'ai le studio en fait, et il passait juste prendre des nouvelles, et puis je lui ai dit bon, est-ce que tu peux m'écrire un couplet, et puis on fait un son, et puis ça s'est fait direct. Concernant Tismé, ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir d'avoir le bon support pour qu'on puisse s'exprimer tous les deux. Et je lui ai laissé un bel espace. Et, c'est, pour moi, c'est le plus beau couplet de tout le projet, d'ailleurs. Parce que tu n'as pas eu envie de l'arrêter ça? Non, tu peux. Franchement, en laissant l'espace, bah, il fait ça. Et il a fait. Franchement, il a géré. Et voilà, c'est les grands frères, en fait. C'est des gens qui m'apprennent beaucoup de choses au niveau du hip-hop créole. Notamment, je pense à McFla aussi, avec qui j'ai pas encore pu collaborer, mais je sais que ça viendra aussi. C'est des gens qui sont là et qui m'encadrent dans le hip-hop créole, quoi. Et voilà. McFla, qu'on a pu recevoir, interviewer cette année pour la sortie de son album Une Trace, qui est déjà disponible. On en profite pour le saluer. Et donc, on a un peu parlé de toutes ces références à un rap un peu plus ancien, que ce soit tant américain, où tu parlais des grands frères du hip-hop créole. Et en même temps, moi, je trouve beaucoup de similitudes avec des MC actuels. Donc, notamment, je vais citer Joey Badass, tout le New York ou de LA, les Currency, des gars de Chicago comme Vic Menza et compagnie. Et des sons plus dans les thématiques, on va dire, à la mode comme Rome et Peter, donc il y a un des clips que tu as pu sortir. C'est ça. Je voulais un peu que tu nous parles de toute la stratégie qu'il y a autour de ton lancement, puisque tu t'appuies essentiellement sur des EP gratuits. Ouais. On précise que Cinco Piesa, ce n'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. Il y en a d'autres à récupérer, notamment juste avant, il y avait Boucan. Boucan, c'est ça. Parle-nous un peu de tout ça. Alors en fait, bon, il y a stratégie, je ne dirais pas qu'il y a forcément stratégie, c'est-à-dire que... Ou ta démarche, plus simplement. Ouais. Je prends le temps, en fait, de faire de la musique, de donner de la musique pour que les gens puissent vraiment comprendre l'univers et voir aussi la démarche artistique, justement, pour voir un peu pour qu'ils puissent me situer, voilà, me classer dans une certaine catégorie. Après, justement chaque chose vient en son temps, cette année on essaie de préparer un album qui cette fois-ci sera pas gratuit, qui sera disponible sur les plateformes de téléchargement. Et j'ai voulu me faire plaisir une dernière fois avec Cinco Piesa, tu vois, c'était justement un rap un peu old school, un peu ancien, on va dire. Et là, on va essayer de passer à un autre niveau, de changer aussi les sonorités qui pourra y avoir sur l'album. Je vais travailler avec des beatmakers locaux de Guadeloupe comme Martinique, par exemple. La démarche, en fait, c'est de donner de la bonne musique de qualité gratuitement et après, petit à petit, de gravir les échelons et de proposer autre chose, de qualité aussi, et voilà. Un des titres de ton EP, Boucan, qui s'appelait International, témoignait un peu de cette ambition qui est de partir de ton truc et de l'emmener le plus loin possible. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, puisqu'on entend parler de Guadeloupe, de Québec, de Paris? Parle-nous un peu de tout ça. Alors, je suis né à Paris en 90. Voilà. Après, je suis parti en Guadeloupe. J'ai passé la plus grande partie de mon enfance en Guadeloupe, en fait. Et j'avais envie de voyager un peu, de pas trop rester en Guadeloupe et de végéter. Alors je suis parti au Canada, de Basté, pour étudier. Et puis malheureusement, je suis arrivé au mauvais moment, puisqu'il y avait une grève à l'époque, un mouvement des étudiants par rapport aux frais de scolarité, qui était très élevé d'ailleurs. Et je suis pas resté longtemps au Québec, je suis resté 6 mois en gros, mais humainement parlant, c'était une expérience magnifique, en fait. Et après, je suis retourné en Guadeloupe et puis je me suis dit, maintenant on va retourner à Paris. C'est là que je suis né après tout. Et puis j'ai envie de voir les amis, j'ai envie de voir autre chose encore. Donc j'ai mis le cap sur Paris. Dans Chiffre, tu dis, il y a du talent, pas en mode encore. Donc il paraît que le talent n'est plus à la mode. Est-ce que tu prévois de changer ça? Non, je... talent pas en mode encore, en fait c'est le ressenti que j'ai, c'est à dire que tu as beau avoir de la technique ou avoir de belles rimes, de belles constructions de phases, etc., c'est pas forcément ce que les gens vont, le public en tout cas, c'est pas forcément ce que le public va regarder, pas la majorité du public, c'est sûr, mais on dirait que le talent maintenant il est ailleurs, c'est plus le talent à proprement parler, je sais pas, mais on va essayer de faire ce qu'on peut pour changer ça. Tu dis le public, mais moi j'ai eu l'impression, après c'est personnel, que même au niveau des rappeurs aujourd'hui, ce que les rappeurs entre eux estiment comme étant de bon niveau ou de qualité, n'est pas forcément, ne se base pas justement sur ces qualités techniques, par exemple, dont tu parlais, ou simplement d'écriture, mais beaucoup sur ce qu'il y a autour. Ouais. On parle beaucoup de swag ou de choses un peu comme ça, qui tendent à prendre le pas, en fait, sur ces qualités intrinsèques de MC dont tu parlais. Ben, c'est vrai qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a un travail des deux côtés, parce qu'il y a la demande du public Et malheureusement, les rappeurs, des fois, se plient à cette demande du public. Mais ce serait bien, c'est vrai, de pouvoir sortir du lot et proposer autre chose plutôt que se baser uniquement sur l'influence du moment, que ce soit bon, trap ou drill music ou tout ce qui vient bon, de Chicago, etc. C'est des choses que j'écoute aussi. Hein. Mais je veux dire, au niveau du travail, de l'écriture, il faut... comme un peu comme Kendrick Lamar, tu vois, fait aux États-Unis dernièrement avec Control, ce serait bien qu'il y ait une compétition de voilà, juste au niveau par exemple de l'écriture et de la technique en fait. Moi, j'aime beaucoup la technique. Justement, je crois que c'est toujours dans Chiffre où tu provoques un peu ta concurrence. Mm-hmm. Où je crois que tu dis que sur 8 rappeurs créoles, je ne sais plus. Raconte-nous un peu la suite, parle-nous un peu de ça, de cet esprit Kendrick Lamar qui sommeille en toi. Ben ça, en fait, c'est aussi une des facettes du rap, en fait. C'est-à-dire que tu as toujours un peu, tu fais un peu des go trip, en fait. Tu aimes bien titiller, provoquer un peu. Bon, là, en l'occurrence, j'ai dit ça, mais ouais, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui a répondu, tu vois. Bien que j'ai un pote, Eddington, qui rappe aussi. On aurait pu faire ça, mais on est trop potes, voilà, pour se lancer dans ce genre de compète. Mais oui, c'est une petite phase ego trip, mais ça veut pas dire que je le pense pas, de toute façon. Si c'est dans le son, c'est que je le pense, j'attends, on verra. Au début du hip-hop, notamment au hip-hop aux Antilles, c'était quelque chose d'assez communautaire, dans le sens où ça se vivait à plusieurs, où les MC se retrouvaient pour faire tourner le micro, partager le micro, où il y avait cette compétition, cette émulation. Aujourd'hui, on est dans l'heure du hip-hop virtuel, c'est-à-dire que tout se passe sur le net, sur YouTube, en studio, enfin un peu caché. Cette compétition que tu sembles vouloir provoquer, peut-être vainement, je voulais savoir, toi, comment tu vis, comment tu as vécu le hip-hop créole, c'est-à-dire est-ce que tu le vis tout seul chez toi en train de travailler, ou est-ce que tu connais aussi, est-ce que tu sens ce partage, cette compétition cette compétition positive, saine, avec d'autres rappeurs? Pour le moment, non. En ce qui concerne la scène hip-hop, on va dire les MC de ma génération, c'est positif. En fait, on regarde ce que chacun fait, ce que chacun sort. Il y a des MC, voilà, que je connais, que je check assez bien, Kid MC, NDX, Ryzen, il y en a plein. Pour le moment, je sens pas qu'il y a vraiment une compétition. Chacun, voilà, on regarde ce que l'autre fait, et puis bon, on en prend justement, on en tire des leçons, etc. Pour le moment, je pense pas qu'il y ait vraiment de compétition. C'est encore gentil, mais si jamais ça devait changer, Ce serait peut-être bien, du moment que ça reste positif et que ça reste concentré sur le rap en lui-même, l'écriture, tous ces aspects-là, ce serait cool. Ouais. On va s'écouter une combinaison de Nerka avec un autre MC, Star G. Non pas son nouveau single À l'envers, vous pouvez d'ailleurs voir les clips sur YouTube, extrait du prochain album de Star G. On va écouter sur le EP Boucan, une combinaison qui s'appelait justement Boucan, donc j'ai plus le numéro en tête, mais je pense qu'on s'est calé. Track 6, hein, si je crois, je sais plus trop, mais... Ok, ouais. Donc on va balancer ça tout de suite. Yes. Yeah. Hip-hop Creole, LM Star G, Nerka, Disney, McFly, Boucan et Billet qui nous witty pour l'esprit. Café, Sos, Met, Kakula, Kibio, Command. Les gars, Wanka. Cassé aux deux haches, nous et l'All Star. Nous vins pour faire Boucan. Montez son la monde mission la mi-musique, la yuve pas la mita, la yuve pas comme la nouvini pour porter yon dot fraîche, on style, on la règle, on dot vibe, pourtant nous on tout bat, depuis tant nous camilite, fait musique à utilité, pas qu'à parler futilité, pas qu'à faire pour débilité, nous qualité pour nous pas retrouver, nous on joue à l'ité, y'a qu'il tire qu'à assimiler, ça yuve les fait nous filmer, mission là, on te qu'à attendre, branché pour nous jouer pendant ni ça qui qu'à chiller, qui qu'à rouler pour péfimer, nous vins pour faire des autres positifs, ben nous riti pour l'esprit, parole et conseil, vous t'es bouton et tonne, pour pas pris, bouh, nous vins faire des autres positifs, pou quand nous vins faire des autres pour fini, pou quand seigneur des autres, qu'à mettre en l'ordre, musique en moi-même, c'est mon l'ordre, seigneur la mec à la vie. ain't nothing, I'm gold. Blood out, and I'm star G. Back again, ha ha, rough again, ha ha, most of them, most of them. Encore, fumé à vous quand j'ai bâti en toute classe, grandi en toute classe, rappé en toute langue French. Ça tu peux comprendre, comment que moyen qui prend yon ancien, plus West Indian. Ou pas tes cantons, moi poussant, pas tes gens passés. Pas ni tapé dans ces versions 2012 à 98. Yes, I'm still the same, yes, I'm fresh like this. Nous pas fait belle racine, poussant les jardins à l'irisis. Prends le rythme sur moi, haché un petit morceau, mettez yon mille show. Muni music street, parce qu'on est qui belle t'es gâti. Pas de musique qui me script sur notre frite. Rien mes musiques con, chinois et mes chips, scribiche. Plaisir, moi c'est Sandy Lake qui a fait des heures. Et le rythme cela qui a rangé tout, ou prend tout pour vous mettre dans le tout. Bouka, ça c'est nourriti pour l'esprit. Bouka, nous vînes faire des autres positifs. Bouka, ça c'est nourriti pour l'esprit. Bouka, nous vînes faire des autres positifs. Bouka, nous vînes faire des autres positifs. Bouka, ça c'est nourriti pour l'esprit. Bouka, nous vînes faire des autres positifs. Bouka, ça c'est nourriti pour l'esprit. Bouka. Ça c'est Noviti pour l'esprit. Nerka en featuring avec Star G. Le EP Boucan est toujours disponible, donc vous pouvez aller chercher ça. On a parlé de flow, un peu de tout ça. Justement, Star G nous lâche sur ce morceau un couplet avec un flow élastique de bonne facture, de très bonne facture. Très bonne facture. Je voulais savoir, on a parlé par exemple de Kendrick Lamar. Notre émission s'appelle Musique Jeudi, Musique Actuelle. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? On a parlé aujourd'hui aussi de Mos Def, Busta Rhymes à l'époque. Yes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans les oreilles de Nerka? Alors, ces jours-ci, il y a de l'ancien, il y a du nouveau. J'écoute beaucoup de J. Cole. J. Cole, parce que c'est un MC qui est très fort et qui s'est resté discret entre chaque projet. Du Kendrick Lamar, beaucoup de funk aussi, Snoop Dogg, Damn Funk, beaucoup de Sade. Beaucoup de Sade, du Joey Badass, un peu du Mac Miller, du Schoolboy Q. C'est à peu près ça ces jours-ci. Ouais. Donc tu restes quand même d'actualité, tu vas bloqué dans. Ouais, après, j'ai mes préférences dans le public, en ce qui concerne les artistes actuels. J'ai mes préférences, mais après, j'écoute de tout. Donc pour toi aujourd'hui, le meilleur MC, c'est qui? De tous les temps ou le même si non d'aujourd'hui en ce moment, Kendrick Kendrick est pas mal Kendrick Lamar. Je sais pas si on a le temps d'écouter encore une autre petite influence de Nerka. On va peut-être se caler, je crois qu'il y avait peut-être allons-y pour What MC, il me semble. Ouais, What MC, il me semble qu'il y avait ça. On va s'écouter un peu de rap créole époque N.O. Clan, tout ça. Tout de suite. Wah wah, yuppie ya, yuppie yeah. Ah ha ha, ah ah. 1, 2, so eight and in your life. Ah ah ah ah. Yeah yeah yeah. Check. Allez, c'est qu'on fait, j'en fais, l'air fait, l'air fait. Ma life est mort que t'es sauveur, vérité. C'est qu'on fait, j'en fais, l'air fait, l'air fait. Toujours n'y en dé pour empêcher le rythme. Allez, c'est qu'on fait, j'en fais, l'air fait, l'air fait. Ma vibe est moins que fait ça, ouvre en vérité. Fais le convé, j'en fais, l'envé, l'envé. Toujours ni un monde, fuck, pour empêcher rivé. Tous les jours que bon défait, frère, la gafou, t'es fer, ni trop à faire. Mon équipe est moins de ça, ou qu'a fait, ni ça, qu'a fait, ça fait, juste pour faire, yo, vrai. Le vrai, tu vois, yo, qu'a fait, yo, tout de stupéfait. Et oui, en effet, yo, peut pas admettre, ou faire, ou ni au gros fait. Du vent, gaza, ou qu'a fait, trop flair, depuis 5 ans. Si c'est du vent, gade, ça fait. Yo, qu'a fait, tout ça, yo, peut pouper sa faire, ou souvent, moi, c'est là, ni en paix. Un jour, que ni la paix. Les des sans tête, ni un lot qui est parfait. C'est sûr qu'on pas parfait, mais sans café avec elle. Jusqu'à présent, on y a fait, mon cher, il y s'y fait. Allez, c'est soir qu'on a parfait, c'est soir qu'on a fait. Pas ni un trip, pas ça fait, exactement comme elle. En solide, mon cher, des ça pas très bien. What MC, si toujours vous mettre, les prendre du l'air. Allez, c'est qu'on fait, j'en fais, l'air fait, l'air fait. Ma paix veut mourir, que t'es sauveur, vérité. What MC du N.O. Clan, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette influence? Parce qu'il me semble que tu n'étais pas très âgé quand j'étais tout ça sortait. J'étais au primaire quand le N.O. Clan sortait des sons. What MC, c'est le personnage, pourquoi? Bon, parce qu'il est quelqu'un qui a une petite taille, mais tu sens en fait qu'il a... il a beaucoup de talent en fait. Quand tu es dans le morceau qu'on a écouté, je pense par exemple aux assonances qu'il utilise pendant tout le morceau. Le flow, c'est un flow de dingue. Et je sais pas, c'est un mec un peu très technique, un peu comme Forsyth aussi. D'ailleurs, dans le NO Clan, pour la plupart, ils étaient super forts, quoi. Mais What MC, je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué dans le crew, en fait. On a parlé de ton EP, Cinco Piesa, c'est l'actualité. Mais comme tout MC qui se respecte, on peut aussi te retrouver sur scène. Voilà. Donc, parle-nous un peu de ton actualité, de ce qui arrive. Alors là, le vendredi 16 mai, je partage la scène avec Loun Marie B, Laura Cartes à la Secret Session. Donc, j'invite tout le monde à y venir. Je crois que c'est à partir de 19h. Ça se passe où? Donc, c'est à l'entrepôt, c'est à Pantin. L'entrepôt, c'est un resto-bar, enfin un resto-piano-bar un peu assez cosy, etc. Donc 16 mai, Secret Session. Sinon, niveau musical, il y a l'album qui est en préparation, AOM95 qui est en préparation. On essaie de lâcher ça cette année. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai le EP qui est toujours disponible sur le site, kamidsound.com. Quelques projets que j'essaye à part l'album de mener à bien, mais bon, avec DJ Gunshot, mais bon, quand il y aura plus d'infos, de toute façon, voilà, ça se saura. Et puis voilà, l'actualité, là, sinon, c'est le 16 mai, on se donne rendez-vous. Secret Session, l'entrepôt à Pantin. Donc un plateau multi-artiste. Voilà. Pour la partie NERK, à quoi peut-on s'attendre sur scène? Alors, je vais venir interpréter 4 morceaux. Donc ce sera dans le répertoire, il y aura de l'ancien et du nouveau. Je vais interpréter, je pense, des morceaux du EP, justement extrait du EP, Cinco Piesas. Puis quelque chose un peu que j'ai récupéré sur la première tape, donc ça remonte à 2011, In Us Rituals. Donc voilà, puis peut-être une surprise si tout se passe bien. Puis j'aurai Kémy avec moi, une presque Kémy que je salue d'ailleurs, très belle voix, qui sera là pour m'accompagner sur scène. Ouais. NERK, le EP Cinco Piesas. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Conlambi, Musique Jeudi. Premier dimanche de chaque mois consacré aux musiques actuelles, créole, Martinique, Guadeloupe, etc. Et on va terminer avec peut-être un autre extrait de ce Cinco Piesas. On va se réécouter un titre qu'on a joué le mois dernier. C'est MVP, le numéro 4 du EP Cinco Piesas. Tout de suite. Mi se NERK aka mi se Carlton aka mi se Hip Hop for Life, man. Yen ki nou giti pou l'esprit, man nan ka rete fri. Fuck is it punchlines? Yo. Aussi incroyable que Ricky Ross qui a fait fitness. Coute qui j'en rappelle, mais ni élégance, elle veut finesse. Aussi magique que Houdini, Flow à Houdini. Qu'on rien a en bikini, y'a pas mis qu'il y avait mini. Millimètre par millimètre, t'as qu'à grimper à ces échelles à hip hop là. Pas fait feeling pour finir par plonger, y'a vert, fait yon plat. Cadence, prestance, moi y'en avance pendant qu'à sniff et bonnet. J'en qu'a fait des gars qu'on a pas, non j'rappelle, moi ni définis, si yon conditionnel. Qu'a laissé ou à dans réflexion, le pic sur la lèvre. En plus de waxer, si fini, si yon faut rester honnête. Passant par M, il fini, y'a si yon lyrique, ça t'est bête. Fait musique pour pécier ou pour cacasser ou elle veut suivre. Si ou peut pas suivre, si y'a ça, moi ça c'est peut-être été cisé. Y'a fait travail flow à le cisé jusqu'à 6h. Jusqu'à temps, toute parole là, regardez ces mouna baba saisi, t'as pas saisi. Encore revendique et hip hop en moins. Trop MC qui a joué avec Mike là, à dans l'époque en moins. Ou que dit moi que moi toujours qu'a fait rap. Y'a qui a 6 mois qu'a parlé, y'a qui est moins rien à foutre, ça peut pas dire rien. Et pourquoi? Ça m'y enseigne MVP. Passant pour Baby Jesus, maintenant c'est ODB. Qu'on a signé internet, t'as qu'à pas ou lien ODB. C'était Conlambi, Musique Jeudi avec NERK. On rappelle pour l'actualité musicale qu'il sera à la Secret Session à l'entrepôt le vendredi 16 mai. En termes d'actualité musicale, on va dire qu'il y a un événement ce mercredi, c'est Easy Kenenga qui sera à l'Olympia. Gros événement caribéen, musique caribéenne. Donc s'il reste des places, allez chercher ça. Et pour notre part, au niveau de la HHIV, nous serons également le vendredi 16 mai en atelier au Downtown Café, en hommage avec des instruments qui sampleront principalement, enfin non, uniquement, même Malavoie et Falfret. Et voilà, donc c'était Musique Jeudi, 16h-17h. À partir de 17h, c'est Conlambi IT qui prend le relais. Et moi, je vous retrouve, EDS, le mois prochain. Et avec encore beaucoup de Musique Jeudi, musique actuelle. Toutes les archives sur archivesaupluriel.org et vous tapez Conlambi ou Musique Jeudi. Ciao.